Radirsky est entré dans le cercle. Radirsky! Radirsky! La lumière s'incline, homo, sa voix! Un pas dans l'arène, mille regards braqués. Je traîne mes cicatrices comme des trophées. Elle fait du stream, me guide dans l'obscur. Chaque viewer devient lumière dans mes murs. Les anciens m'observent depuis les cadres. Leur code saigne, l'arène est instable. Mais je continue, j'avance en plan. T'es ma voix grave, c'est l'écho d'un monde brisé. Ride a skill, hear his name. He runs from pixels and flame. He walks where the brave don't dare. And we follow, we follow. Était vide, je l'ai gravé au mic. Un cri dans la nuit, un dieu dans le like. Vous tapez vos GG comme des prières. Moi je transcende les règles, les frontières. Les drogues.